قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. Donc là, on rentre dans cette risale, ou dans cet ouvrage, qui est appelé les abrogations de l'islam, qu'a écrit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il a commencé cette risala en disant: sache que les nawaqid, que les abrogations de l'islam sont au nombre de 10. Wa qawluhu nawaqid ay jam'u naqid. Jam'u naqid. C'est-à-dire nawaqid, c'est le pluriel du mot naqid. Wa huwa fi al-lugha bima'na ifsad al-shay ba'da ihkamih. Fi al-lugha al-arabiyya, لما تقول ناقض أو نقض هذا تعتبر إفسادا للشيء بعد إحكامه أي بعد إتمامه. مثلا بنينا المسجد فإذا خربناه تسمى ذلك نقضا. مفهوم؟ يعني لفت يعني أنا غاب. Le mot naqada sous-entend le fait de détruire une chose après qu'elle soit construite, ou de défaire une chose après qu'elle soit faite ou établie. فَيُقَالُ نَقَضَ الْبِنَا إِذَا هَدَمَهُ. C'est-à-dire, il a naqada al-bina, il a détruit le bina. يعني فَيُقَالُ نَقَضَ الْبِنَا, c'est-à-dire naqada la construction, si hadamahu, c'est-à-dire s'il l'a détruit. Donc il a lorsqu'on utilise, ou lorsqu'une chose est construite et que on vient à la défaire ou à la détruire, ceci se nomme naqd fi al-lugha al-arabiyya. Ka qawlihi ta'ala wa la takunu kallati نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا. Donc ça c'est un, يعني, c'est un verset qui prouve le sens affirmé en langue arabe du mot naqada, qui est إفساد الشيء بعد إحكام. نعم. طيب, qui c'est qui a un Coran en français pour traduire le verset 92 de sourate Nahl. Ne faites pas comme ceux qui défaisaient brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filé. Et ne faites pas comme celles qui défaisaient. C'est-à-dire, le mot défaire, c'est une chose qui survient après que la chose soit faite. Naam. Fahakada, fi lughati al-arabiyya, naqada. Fi qawlihi, ou fi kalima, naqada. طيب أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة. Le hadith connu du prophète صلى الله عليه وسلم, qui après la victoire de Mecca a pensé rétablir la construction de la Kaaba comme elle était au temps d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام, mais il ne l'a pas fait khashyatan an yarji'u qawmuhu ila al-kufr. Mais le prophète Hassan, il a évité de faire cela car il a eu peur que son peuple revienne à la mécréance. Non. Donc le fait que le prophète Hassan lui dise naqadtu al-ka'ba, c'est-à-dire il a c'est le fait de démolir une chose après qu'elle soit construite. Non. حديث متفق عليه عن عائشة. أي هدمتها. يعني بمعنى هدمتها. نعم. وغيرها من الأدلة. واصطلاحا النواقض هي اعتقادات وأقوال وأفعال تزيل الإيمان وتقطعه. Et dans l'istilah, c'est-à-dire dans le jargon ou dans le linguistique shari de la législation, les nawaqid sont des croyances ou des paroles ou des œuvres qui, de par lesquelles, la foi disparaît. La foi disparaît. نعم من عنده مثال على اعتقاد على اعتقاد به يزول الإيمان عندك يا يزيد اعتقاد به يزول الإيمان est-ce que c'est un exemple d'une croyance qui de par elle la foi disparaît l'idolâtrie نعم احسنت لدولاتري الشرك في اي نعم الشرك كما اشركوا النصارى واليهود نعم وقالت النصارى المسيح ابن الله فهذا قول وفي نفس الوقت اعتقاد دونك لا بارول دي نصارى سي اون بارول اي aussi c'est une croyance c'est-à-dire la croyance elle les a fait sortir de la foi ainsi que la parole. Et qui c'est qui a un exemple d'œuvre qui fait sortir ou qui fait dissiper la foi? Sacrifier pour autre qu'Allah. Sacrifier pour autre qu'Allah. Ou apostasie, mais comment? C'est justement les actes qui te là on parle des actes. Ouais, les actes. Combattre les musulmans. Ah, être avec les mécréants contre les musulmans. Ou tout simplement, comme a dit Abdel Karim, le fait de se prosterner pour une tombe. Ça, c'est une action qui fait sortir son auteur de l'islam. فالنواقض هي مبتلات donc les نواقض ce n'est autre que des choses qui annulent la foi كنواقض الوضوء comme les annulations qui annulent les ablutions نعم وقوله عشرة et lorsqu'il dit que ces annulations sont au nombre de 10 قد جمع العلماء نواقض كثيرة أكثر من 10 ولكن هذه العشر أصولها وأساسها. Et les ulama ils ont regroupé bien plus que ces 10 jusqu'à y en a ils sont partis à dire qu'elles sont plus de 100 abrogations. Mais en vérité toutes ces abrogations elles tournent autour de ces 10 qu'on va voir dans ce livre. نعم وأولها ما هي عبد الملك الشرك بالله نعم فقال أولا الشرك في عبادة الله تعالى والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله donc le shirk c'est le fait de détourner une chose de l'adoration pour autre qu'Allah عز وجل. Pourquoi on a dit c'est le fait de détourner une chose de l'adoration et on n'a pas dit c'est le fait de détourner l'adoration pour autre qu'Allah? Une seule adoration peut faire sortir l'islam. Jamil, parce qu'une seule adoration peut faire sortir l'islam. Lakin là on a dit une chose de l'adoration. Tusrif shay'an min al-ibadah li ghayrillah. Hey, ben dans ce cas-là, on dit celui qui tourne l'adoration pour autre qu'Allah. Parce qu'il croit à la chance, par exemple. Et ça, il ne croit pas à la prédestination. Celui qui ne croit pas à la prédestination. Non, voilà. Croit à la chance, par exemple. Naam. Qui dit mieux? Par exemple, une personne, elle va prier, et dans sa prière, elle va faire rentrer du riya dans sa prière. Naam. Enfin, lui, quand il arrive, il veut prier. Est-ce que. Il veut prier pour Allah Azza wa Jal. Maintenant, il lève ses mains, il veut prier pour Allah. ثم لما يرى نظر الناظرين إليه يجمل صوته ويحصل له شيء من الرياء هذا الرياء الذي صدر منه فهو شيء من العبادة ليس هو قد صرف العبادة كاملا il a pas tourné toute l'adoration pour autre qu'Allah mais il a tourné une partie de l'adoration celui qui est venu il a voulu prier pour Allah. Il est sorti chez lui, il avait l'intention de prier pour Allah. Mais dès qu'il a vu des gens dans la mosquée, il a voulu enjolir sa voix par rapport aux gens. Et il a voulu. Il a fait de l'ostentation par cela. Donc là, lui, il n'a pas tourné toute son adoration pour autre qu'Allah. Il a tourné une partie de son adoration pour autre qu'Allah. Et ça, kadhalik, ça rentre dans le shirk. Et ça aussi, ça fait partie du shirk. C'est pourquoi on a dit une partie. De l'adoration, afin que ça englobe une partie, et mimba bin awla, et d'une manière encore plus claire, que ça englobe celui qui détourne toute l'adoration pour autre qu'Allah. Dans le verset, il a dit que c'est tout, c'est quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, c'est à tiel ad. طيب صحيح لكن هل هو يدخل في الشرك ولا لا هذا هو même si c'est يعني du shirk qui ne peut pas sortir d'islam ça rentre quand même dans تسمية الشرك وبعدهم ذكروا أنه إذا استرسل وما دافع وخل يعني وكمل العبادة على هذا قالوا هذا شركا أكبر بعضهم قالوا سيدي الشرك الأكبر المهم نحن ذكرنا هذا على سبيل العموم حتى تعوم جميع سوار الشرك parce que certains d'entre les gens peuvent dire oui mais moi par exemple j'adore Allah عز وجل وهو في نفس الوقت مثلا il va faire un nadr un vœu pour autre qu'Allah il a pas tourné toutes ses adorations pour autre qu'Allah. Mais dans celle-là, il l'a tourné pour autre qu'Allah. En même temps? Non. طيب. فالشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Ou, comme le prophète Hassan a dit, c'est que tu accordes à Allah un ego alors que c'est lui qui t'a créé. Comme ça a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui est muttafaqun alayh. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé au sujet du shirk, il a dit c'est que tu fasses d'Allah ou que tu places à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Naam. وهذا يعتبر أحسن التعريف للشرك. Parce que c'est un ta'rif nabawi. Donc la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donnée du shirk, c'est le meilleur. C'est la meilleure définition. Parce que c'est la définition du prophète, alayhi salatu wasalam. Naam. C'est une définition prophétique. Yani une définition du shirk. طيب. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Et donc, l'adoration, c'est un nom global qui englobe tout ce qu'Allah aime. Et agré comme parole et comme œuvre, apparente ou cachée. Non. Non. Comme a dit le Cheikh l'Islam dans son kitab Al-Ubudiyya et Al-Fatawa. فكل ما يحبه الله ويرضاه من القول أو من قول أو اعتقاد صرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. Donc, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agré comme parole ou comme ou comme croyance, ou comme œuvre, tout cela, le fait de le détourner pour autre qu'Allah, c'est du shirkun akbar, qui fait sortir de la religion. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Et Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne en dessous de cela pour qui il veut. Et certes, celui qui associe en Allah a certes commis un énorme péché, ou a forgé un énorme péché. وقال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et certes celui qui associe en Allah, certes Allah lui interdira l'entrée au paradis, et son refuge sera le feu, et les injustes n'auront certes pas de secoureur. Ça y est. نعم. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنه الذبح لغير الله تعالى كمن يذبح للجن أو القبر. Il fait partie, quand il dit ومنه يعود إلى ماذا؟ أي نعم. Donc Cheikh Islam محمد بن عبد الوهاب dit, il fait partie du shirk le fait d'égorger pour autre qu'Allah, comme le fait d'égorger pour un quelconque djinn ou pour une quelconque tombe. نعم. كما يفعلون كثير من الصوفية وغيرهم. نعم. فكل هذا من أفعال الشرك. طيب. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو يدعو غير الله. طيب انتبهوا لهذه النقطة. أو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيعني هذا شرك. تمام. celui qui égorge pour autre qu'Allah, ou qui fait un vœu pour autre qu'Allah, ou qui invoque ou appelle autre qu'Allah dans une chose que seul Allah est capable. Ça c'est du shirk. Mais si tu appelles ou tu demandes de l'aide à quelqu'un qui est présent, vivant et capable, alors ceci est permis. Alors cela est permis. Mais avec ces trois conditions. Que la personne soit vivante, capable et madame est présente. Et si il manque l'une de ces trois conditions, alors ce n'est pas possible. Et c'est interdit de demander de l'aide de cette personne. نعم. مثلا واحد هو لا يعرف السباحة وهو في البحر. Quelqu'un il est dans l'eau, dans la mer, et il connaît pas, il sait pas comment nager. Et يعني il a un frère مثلا. Il a un frère à lui qui sait nager. Mais ce frère-là, il se trouve dans un autre pays maintenant. Hal yasluh que lui, il est en train de se noyer et dit ya fulan, viens m'aider. Non. Là. Kullu hada min ash-shirk. Hada la yasluh. La yasluh. Ba'd al-ulama ja'aluhu min ash-shirk. Li'annahu imma dhanna annahu qadir ala shay'in yakhussu billah. Ou imma hada yihmal ala al-la'b. Ça c'est du lahou, c'est quelque chose de bête ou d'idiot. Naam. Donc c'est soit du shirk, soit c'est une idiotie. Là tu as pris la situation de la noyade. Mais si ta maison elle est en feu, naam, la personne ne sera pas présente, la personne que tu vas appeler, tu sais, quand on dit qu'elle est présente, c'est-à-dire elle est joignable. Ou soit elle est joignable. C'est-à-dire, si elle est dans un contexte où voilà, elle peut intervenir. Et que ça, enfin, l'appel téléphonique, alors là, à ce moment-là, il sera comme la présence. Tu vois? Mais si maintenant, toi, t'es dans l'eau, t'arrives à appeler. Et ton frère, il est dans dans un autre pays. فهذا لا. لا يحمل هذا على أنه حاضر. Il n'est pas capable, là, ça veut dire. Ouais, parce qu'il n'est pas capable. Non. Non. Et il n'est pas présent non plus. Donc, yani, le fait d'invoquer ou d'appeler de l'aide ou de chercher refuge, il doit absolument y avoir ces trois conditions. Non. ثم قال مثل أن يدعو الموتى يعني exemple de l'invocation qui n'est pas permis et qui fait partie du shirk, le fait de d'invoquer un mort. قد يقول القائل le mort il est là, il est dans la tombe, il est présent. عرفت حتى وإن قال أنه il est qu'il est présent, il est حاضر ما هو قادر, il est pas capable. Et comme on a dit, il faut absolument qu'il soit vivant. Donc tout cela fait partie du grand shirk. Et les preuves sur cela sont nombreuses. Et parmi les preuves, les versets qu'on a cités juste avant. Taïd. Dis alors. Taïd. Khalas, tu as abdel le noir, c'est le chouïr. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله